Vous êtes de retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1 et on va poursuivre l'émission sur un thème qui devrait vous réveiller, la chimie du sommeil. Donc on va passer du soleil au sommeil finalement. Et quand il est question de chimie, nous avons notre spécialiste Jean-Daniel Doucet et sa chronique 100% chimique. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Valérie. Voilà, oh, oui. Tu m'as l'air un petit peu endormi. Est-ce que c'est la fatigue qui t'a donné l'idée de parler du sommeil? Ben oui, un peu. En fait, hein, j'ai eu une grosse semaine au travail, Valérie. Beaucoup d'animation avec notre activité attraction chimique de vulgarisation dans les écoles. On parlait d'attraction lunaire tout à l'heure. Nous, on va parler aujourd'hui d'attraction chimique. Mais en fait, je dois confesser, c'est pas seulement le travail qui m'a rendu fatigué. C'était ma fête, même mardi dernier, donc... Ah, un an plus au compteur. Un an plus au compteur et une fête de plus surtout, donc on a beaucoup célébré. Et ben résultat, j'ai peu dormi dernièrement. Donc j'ai choisi mon sujet de chronique hier, les yeux dans la graisse de bine, à moitié endormi. Et donc voilà, j'ai choisi de parler du sommeil. Mm-hmm. Donc je m'endormais, donc pourquoi pas parler de ce que je vivais à ce moment-là, du sommeil. Et je vais vous présenter aujourd'hui mes nouvelles connaissances pratiques dans le domaine de la chimie du sommeil. Alors d'emblée, je vous souligne que je suis pas un neurobiologiste. Je vais vous présenter principalement ma propre expérience et aussi mes recherches personnelles sur le sujet de la chimie du sommeil. Alors je suis un chimiste qui cherche principalement à savoir comment rester réveillé quand on s'endort et qu'on a une chronique à écrire, par exemple. Et donc pour rester éveillé, qu'est-ce qu'on fait? On prend du café? Oui, entre autres, on peut certainement prendre du café, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais avant de pouvoir rester réveillé, faut-il comprendre ce que c'est que dormir et comprendre son importance. Alors, quand on dort, on est absent mentalement, mais clairement pas physiologiquement. Donc, le corps en profite pour refaire ses réserves, réparer ses muscles, remettre le système immunitaire sur les rails, puis évidemment, remettre ses neurones d'aplomb pour que le lendemain, on puisse être fonctionnel. Donc, c'est un peu comme si on fermait boutique pour refaire peau neuve le temps d'un sommeil. Alors, ces pauses du corps sont extrêmement importantes. Par exemple, des rats qu'on empêche complètement de dormir meurent après seulement 3 semaines de vie. Donc, l'expression « je dormirai quand je mourrai » prend réellement tout son sens ici. Et est-ce que tu sais comment les scientifiques mesurent le sommeil? En fait, en laboratoire, on définit le sommeil en enregistrant l'activité électrique de groupes de neurones et de muscles très particuliers. Donc, on enregistre ce qu'on appelle un encéphalogramme. C'est le profil de notre activité électrique, ce qui ressemble sur papier à des ondes, à des sinus de plus ou moins grande longueur qui forment un trait continu en forme de vague. Mm-hmm. Donc, c'est un peu comme des lignes enregistrées pendant un tremblement de terre de faible intensité ou encore quand on regarde un rythme cardiaque sur une bande. C'est enregistré sur nos têtes, c'est l'activité qui se passe. C'est enregistré sur nos têtes, d'accord, en partie aussi sur certains muscles du corps. Donc, ça se fait à l'aide d'électrodes qui sont fixées un peu partout sur nous. C'est pas nécessairement la façon la plus facile de s'endormir. Mais bon, la science oblige dans ce cas-là. Mais j'ai l'impression que vu ton état de fatigue, ça t'empêcherait pas vraiment de t'endormir. Non, je pense qu'on me mettrait des électrodes et je dormirais immédiatement. En fait, je ferais probablement même plusieurs cycles de sommeil. Ça, c'est clair. Justement, c'est quoi les cycles de sommeil? Alors, les cycles de sommeil, ils existent. On fait plusieurs cycles de sommeil dans une nuit normale. Et ces cycles-là sont divisés en 5 stades. Alors, très rapidement, sans entrer dans les détails de tous les stades, ces 5 stades-là durent en général de 1h30 à 2h. Donc, c'est des cycles qui vont se répéter par la suite. Et chacun de ces stades de ce cycle est caractérisé par leur propre onde électrique. Donc, au stade 1, les échanges chimiques et électriques entre les neurones vont diminuer. Donc, on va commencer à se sentir très, très endormi. Au stade 2, on n'est plus là. Au stade 3 et 4, on tombe en sommeil profond. Donc, c'est pas mal plus dur à ce moment-là de nous réveiller. Et si on se fait réveiller, vraiment, on est complètement perdu. Ouais. On sait plutôt où on est. Finalement, c'est le REM. On avait peut-être déjà entendu parler. Non, je parle pas ici du groupe de musique, mais plutôt du Rapid Eye Movement, dont d'ailleurs le groupe de musique a pris son nom. La période pendant laquelle on rêve et on récupère le plus. Puis donc, il y a des mouvements oculaires. Là, on voit les yeux quand on regarde. Exactement, les yeux vont bouger très, très rapidement. Ouais. C'est comme ça qu'on caractérise cette phase du sommeil-là. Fait intéressant, les jeunes passent plus de temps dans la phase REM. Donc, la phase où est-ce qu'on rêve, ils sont plus longtemps dans cette phase-là. Mm-hmm. Donc, littéralement, les jeunes sont plus rêveurs que les adultes. Donc, maintenant, on sait ce qui se passe quand on s'endort, mais au fait, pourquoi on s'endort? Oui, ou pourquoi ou comment on reste réveillé quand on a beaucoup de travail à faire. Donc, nos cycles de sommeil et d'éveil sont régulés notamment par le cycle du soleil. Je pense que tout le monde en conviendra. On dort la nuit et on reste debout le jour. Mais c'est aussi régulé ces cycles-là par des hormones qui sont produites par l'hypothalamus. C'est une région du cerveau qui est située en bas du cerveau, donc la face ventrale qui est plus près du cou, et environ entre le haut de notre nez et le dernier de notre tête. Donc, pas mal au milieu, en bas du cerveau. Donc, les processus du passage au sommeil sont très complexes. Et encore aujourd'hui, on les comprend mal. Mais on connaît quelques-unes des molécules qui sont responsables de notre somnolence. et voilà, je suis en train de m'endormir sur place. Et qui sont ces molécules-là si nuisibles, par exemple, en période d'examen. Ou de chronique. encore pire en chronique. Alors, par exemple, on a l'accumulation d'adénosine qui va entraîner le sommeil. Là, tu as dit adénosine. Oui. Moi, je croyais que l'adénosine, c'était l'une des composantes de l'ADN. Effectivement. Donc, entre autres, l'adénosine, c'est un des quatre molécules, les quatre lettres de l'ADN. Quand on voit A, C, G, T, donc exactement. Le A, c'est pour adénosine. Mais là, c'est adénosine aussi, mais c'est un autre rôle. Un autre rôle. Donc, on retrouve aussi l'adénosine dans l'ATP. Donc, l'ATP, c'est la monnaie énergétique du corps humain. Donc, les sucres, les gras qui nous servent d'énergie vont ultimement être transformés en ATP pour faire fonctionner notre corps. Donc, plus on dépense d'énergie, plus on accumule d'adénosine et plus on est fatigué. D'ATP, donc quand on brûle de l'ATP, l'adénosine va augmenter et on est plus fatigué. On est fatigué. Voilà. Et donc, plus on est fatigué, plus on va s'endormir, donc peut-être. Exactement. Donc, à ce moment-là, si on veut éviter de s'endormir, il faudrait éliminer l'ATP? Faudrait éliminer plutôt l'adénosine qui est produit quand l'ATP est brûlé. Donc absolument. Et en fait chez le rat, si on empêche de se débarrasser de l'adénosine, les rats vont s'endormir. Donc il existe une enzyme qu'on appelle adénosine déaminase. Donc c'est un peu le vidangeur de l'adénosine si on veut. Mm-hmm. Lui charge de baisser les quantités d'adénosine. Mm-hmm. Si on inhibe, donc on empêche de fonctionner cette enzyme-là, l'adénosine s'accumule et les rats vont tout simplement s'endormir parce qu'ils vont accumuler de l'adénosine. Et est-ce que ça marche aussi chez les humains, ça? Ça marche aussi chez les humains. Donc, on observe une augmentation d'adénosine chez les humains qui mène éventuellement au sommeil. Et chez les humains qui cherchent à se réveiller, comme moi, par exemple, on a parlé au début du café. Oui. Mais le café, il va contrer l'action de l'adénosine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le café ressemble beaucoup, dans sa structure moléculaire, à l'adénosine. Donc, il va venir bloquer les récepteurs de l'adénosine et il vient prendre sa place. Donc, il empêche l'adénosine d'être détectée. Il va masquer l'adénosine. Notre corps ne voit donc littéralement pas la fatigue ou le médiateur chimique de la fatigue. Et voilà, on peut rester réveillé. Donc, on a l'impression de ne pas être fatigué. Le café, c'est donc une sorte de bloc de bois qui met un frein sous le sommeil. Donc, ça ne va pas nécessairement nous donner directement de l'énergie, mais ça va principalement nous empêcher de dormir. D'accord. Et évidemment, ça a ses limites. Oui, j'imagine que ça ne fonctionne pas, par exemple, pour les graves de narcolepsie, par exemple. Non, effectivement. Là. Puis, il y a peut-être d'autres hormones qui sont impliquées dans dans ce mécanisme du sommeil. Absolument. Il y a beaucoup d'hormones, mais une de celles-là qui est une cible de plus en plus particulièrement, une cible thérapeutique particulièrement pour les gens qui souffrent de narcolepsie, des gens qui s'endorment très, très facilement. Donc, ce sont les orexines. Je le répète, orexine, un mot qui a l'air très, très compliqué. Mais en fait, c'est un groupe de deux hormones qui ont un rôle sur notre métabolisme et aussi sur le cycle du sommeil. Donc, ces hormones augmentent la durée des périodes d'éveil, notamment quand on a faim. quand on a vraiment besoin de se nourrir, elles vont supprimer le sommeil réparateur du REM, par exemple, la phase où on rêvait tout à l'heure. Donc, en absence de ces hormones, on a plus tendance à s'endormir. Elles sont aussi reliées à certains patients narcoleptiques, dont des gens qui n'arrivent pas à s'endormir de façon chronique. Il y a donc des nouveaux médicaments activant la voie des orexines qui sont d'ailleurs en production, en préparation présentement. Donc, il y a des gens qui font de la recherche là-dessus pour développer des nouveaux activateurs des orexines qui traiteraient les gens qui souffrent de narcolepsie. Donc, peut-être un jour, je pourrais moi-même, procrastinateur professionnel, utiliser un activateur des orexines pour pouvoir rester réveillé toute la soirée et travailler sur ma chronique. Donc, bien sûr, il existe aussi là, un tas d'autres hormones qui influencent notre sommeil. Il existe, entre autres, la norépinéphrine, qui est une hormone du stress, qui, donc, quand on a besoin d'être vraiment là, allumé, on va rester réveillé grâce à cette hormone-là. Il y a encore la dopamine aussi, qui va jouer un rôle... notamment dans le système de récompense du cerveau et qui est activé notamment par les amphétamines, donc un puissant stimulant qu'on connaît déjà. Donc, tout un cocktail chimique qui nous permet de rester réveillés ou encore de nous endormir. Ah oui, ben merci beaucoup Jean-Daniel pour ce portrait chimique du sommeil. Moi, j'avoue que quand je m'endors, je ne pense pas à toutes ces choses, ça se fait tout seul. Je pense que maintenant, ben, c'est bon, tu peux aller te coucher, Jean-Daniel. Ah, merci Valérie. Voilà, donc on passe maintenant en pause publicitaire, ça va nous réveiller d'ailleurs. On passe en pause publicitaire sur CKRL au 89.1 et au retour, on plonge dans les ressources énergétiques. Vous écoutez CKRL et vous êtes sur CKRL.